phénomène. City MC, Matt Murder. Rien a changé. Ouais, ouais, Matt Murder. Bordel. Victor. Rien n'a changé. Fergue. Article 1, t'es accepté comme t'es wanted. Sur Baba ou Wam, c'est la même fichée comme Crossfeld. Les peines s'enchaînent. Dictateur, là le biographe, n'oubliez pas l'essentiel. Les plus grands voyous du siècle. De Roosevelt à Gorbatchev, de Poutine à S. Hussein. C'est juste une mise en scène, imagine le combat de chef. Le règne à contre-adrève, que la trahison parachève. Gouverné par un chef ou un tel, qui s'entête au blasphème. Quand Arafat fut mourant, Israël a dit tant mieux. Donc pour Sharon c'est la même, l'effet boomerang fait sa route. Quand la vérité occulte, les ennuis s'amènent. Leurs menaces qui se les foutent dans le cul. Dites ce que vous voulez, nous on respecte les religions. Ce qu'on renie c'est vos légions, celles qui laissent de grosses lésions sur le cœur de nos régions. Là où s'entassent les gens, la ZUP c'est ma ruine. Là où là se cassent les jambes. Pour les gens bien, avec ou sans bien. Mes rimes sont fugitives comme un réfugié indécis. Tu me chopes, tu m'incarcères, t'es le messie et moi une merde. Croyez-moi que toute une époque, vivre comme ça, ça rend pas honneur. N'oubliez pas l'essentiel, des plus grands voyous du ciel. C'est juste une mise en scène, imaginez le combat de chef. Matt Murdock, Bob Phénomène, Victor. Rien n'a changé pour les gens depuis toutes ces années, yeah. Toujours des promesses et toujours ces images clichés, yeah. Rien n'a changé à part le nombre de queues font citer, yeah. Loi Sarko égale pour moi, loi d'inégalité, yeah. Baissée. Rien n'a changé pour les gens depuis toutes ces années, yeah. Toujours des promesses et toujours ces images clichés, yeah. Rien n'a changé à part le nombre de queues font citer, yeah. Loi Sarko égale pour moi, loi d'inégalité, yeah. Baissée. Hey yo, mate mes stigmates, au garde à vous comme soldat Arafat. Mes faits, mes gestes sont tes pieds comme par le Mossad. Mes héros savent que les politiques enrichissent les riches quand les pauvres bavent. La guerre c'est le pas sur le beau grave. Illicite et ma rime corrosive et ma technique. Tu peux alerter l'armée rouge puisque tu vis à l'époque bolchevique. Qui met des M16 dans les mains de certains, qui met des Kalachnikov dans les mains des mêmes gosses. Maintenant il faut la guerre à l'islam, faut jusqu'à caricaturer les prophètes. Faut être honnête, y'a plus le temps pour le politiquement correct. C'est la course aux élections, donc ça crée des frictions. Les immigrés, les cités vont devoir payer l'addition. Rien n'a changé pour les gens depuis toutes ces années, yeah. Toujours des promesses et toujours ces images clichés, yeah. Rien n'a changé à part le nombre de queues font citer, yeah. Loi Sarko égale pour moi, loi d'inégalité, yeah. Baissée. Rien n'a changé pour les gens depuis toutes ces années, yeah. Toujours des promesses et toujours ces images clichés, yeah. Rien n'a changé à part le nombre de queues font citer, yeah. Loi Sarko égale pour moi, loi d'inégalité, yeah. Baissée. Ces politiciens, faut que je vous dise, ils ne sont pas là pour rien. À mes yeux, que les moins que rien. Hey Sarko, arrête de changer de loi comme si tu changeais de Starco. Dès son premier mandat, il déclare son plan d'action. L'économie souterraine montrée du doigt, on est la cible. Il compte gravir les étapes sur notre dos. C'est le fiston de Chirac, il lui a montré plein d'arnaques. Un trafiquant à la solde du pays, et c'est moi le délinquant. Ces politiciens, tous des mafieux. Et monsieur Bush, pour réduire le prix de l'essence, a attaqué l'Irak. Eh brigand, et c'est qui racque. Le petit Bush et Tony Blair, le terroriste, à croire qu'ils ont tous été à la même école. Et Mitterrand, qui a oublié de déclarer son enfant, pas un seul est irréprochable. Alors invitez-moi au prochain dîner à l'Elysée. J'ai une nouvelle drogue à commercialiser. On m'a dit que votre spécialité c'est l'illicite, et je vous félicite, mais pas de votre politique et de votre mentalité merdique. Apprenez à raisonner et on pourra vous pardonner. Faites en sorte que les immigrés français se sentent chez eux, et vous aurez tout à gagner, et vous aurez tout à gagner. Rien n'a changé pour les gens depuis toutes ces années, yeah. Toujours des promesses et toujours ces images clichés, yeah. Rien n'a changé à part le nombre de queues font citer, yeah. Loi Sarko égale pour moi, loi d'inégalité, yeah. Baissée. Rien n'a changé pour les gens depuis toutes ces années, yeah. Toujours des promesses et toujours ces images clichés, yeah. Rien n'a changé à part le nombre de queues font citer, yeah. Loi Sarko égale pour moi, loi d'inégalité, yeah. Baissée. Rien n'a changé pour les gens depuis toutes ces années, yeah. Toujours des promesses et toujours ces images clichés, yeah. Rien n'a changé à part le nombre de queues font citer, yeah. Loi Sarko égale pour moi, loi d'inégalité, baissée. Rien n'a changé pour les gens depuis toutes ces années, yeah. Toujours des promesses et toujours ces images clichés, yeah. Rien n'a changé à part le nombre de queues font citer, yeah. Loi Sarko égale pour moi, loi d'inégalité, baissée. Depuis le temps qu'on nous dirige, rien n'a changé, rien. Je dédicace aux gens bien, avec ou sans bien. Rien n'a changé, nos rimes sont fugitives par phénomène. Rien n'a changé, rien n'a changé. En Irak, rien n'a changé, rien n'a changé, rien n'a changé, rien n'a changé, rien n'a changé, rien n'a changé, rien n'a changé.